Coach, excusez-moi, mes excuses. Voilà. Donc, studio de fortune, hein? Studio de fortune, et puis on se débrouille comme ça, je sais pas. Voilà. Bonjour, bonsoir, mes chers amis. Voilà. Merci. Tozana studio moko de fortune à un moment donné ma caméra ezokweya et er moko image ezotengama et voilà donc on se débrouille comme ça beau se connecter oyo bazana connecté peut-être. Vous voulez que Bayokabiso, vous pouvez les signaler. Vous savez que les grands Mouyaka, les cuisiniers de l'UDPS, Azali na ligne. Donc, Balingi s'est connecté, peut-être beaucoup qui ont invité Bango, Bazala Nabiso. Et voilà. Et Bami, ou Bazali na YouTube, je ne sais pas. Attendez que je vous arrange ça. C'est comme si l'image est ça. On me pendait, hein? Oh, studio, on dirait studio Yakabe Yakamanga. Voilà. Merci. Tozali na Esika habituelté. Tozali na. Na Libanda, na pays Moussousou. Peut-être il y a des amis au Bayebi, Sika Tozali, mais Mingi Tozo signalé te Tozali na hôtel Nini, Tozali na Kwe Nini, Tozo Banga, Bibotu. Voilà, merci. Donc, Lelo, Toye, Pona, moi, ba point. Moi, Ebélé, donc disons 6 points. Oyotoko, Mekako, discuter ensemble. Et Bandekoya, Facebook, est-ce que vous allez ko Yokabiso bien, sans problème? Ah, voilà. Jacques Bilo, vous allez espion. Oh, oui, Bindéni, Nazakuna. Voilà. Donc, je ne sais pas, image, Penza, mais en tout cas, accepté comme ça. Est-ce que le son est allé bien à Bandekoya Facebook? Voilà. Nako lingamingi bato Facebook, voire même YouTube, hein? Pardon. Botcha ba like ebele, ba mitema ebele, pour que ba bloquer bisote. Et ko aide biso makasi. Hein? Merci Mingi. Merci. Bon, voilà. Toye le lopo na ba mwa ba point mwa ebele 6, je disais. Toko lobe la makambu ya ambassadeur ya Rwanda na Congo. Toko lobe la makambu ya Gabriel Mokia, c'est comme ça il s'appelle, concernant Bayaka. Et toko lobe la makambu ya ba victime. Victime congolais, oyo bazali kokufa na est ya mboka na biso. On peut frôler peut-être sur le dossier Mukuna. Et Vital Kamerhe et Mukwege, comme d'habitude, parce que les semaines naillées. Et voilà, donc nako ramasser un peu pêle-mêle à la fin. ya liboso ava tobanda tokota na makambo ya ba Rwandais tika tolobanda tokota na kati epai na biso sur le social. Na social epai na biso tozali nazali na mwa susi moke. Vous savez, et pas une abysso, ce qui déjà s'est prononcé pour que aux à la serviteur et à société, il faut faire très attention à ba émotion na yo, il faut faire très attention à ba sortie na yo, pour que et déranger yoté prochainement. Bah ton abysso baye bakate, vous verrez des gens qui violent basi banana biso. Mais par la suite, c'est la même personne qui se présente pour une élection, va voter, à comme député, à comme président, à comme mutunyoso alingi, à comme yé, à koki koma yango, sans problème. Donc, vous allez comprendre, excusez, donc, vous allez comprendre que il y a un gars, Bolandi et Mingi, qui s'appelle Monsieur Gabriel Mokia. Nayebi ye physiquement te na mona kaye toujours na ba sorti na ye na media et azali motu oyo comme congolais na sepela kanaye comme congolais courageux na sepela kanaye pour na ba courage na sepela kanaye. Il se donne la liberté ya koloba parce que azali mwana mboka azali congolais ami pesi azomi pesa liberté koloba sans kobanga et pourtant tozali na bato ebele ba congolais bele o bazali na kati ya Congo pona kolozwa courage ya koloba bazali na courage wana te ils craignent toujours soki na lobby kabila ko betangai kabila ko bomangai kabila okangangai. Ce qui na lobby oye meza makamuna etalinga ite. Alors mais ce sont des citoyens qui attendent que pays epesa bango plus mais bango bazo pesa pays ite. Alors et batuloko la Gabriel Mokia comme congolais comme je disais bazali batu oyo nazalai ko sepela na ye mingi parce que ba courage wana vraiment na côté courage tozali ndenge moko. Na côté courage en tout cas moki azali timidité nazali timidité nazala ka sans froid peu importe si kanazali si foko loba soki na moni injustice ezali soki na moni ba violation ezali na kiparate nazali si kanini bisika tokenda quand même na ba réunion tozo yaboye ba réunion internationale moi j'arrache des micros. Vous savez que Bakwe Bele, ce qui est modérateur, Azakuna Yebi Trebe, qui est Moutouana, n'a pas question, n'a yé, ça dérange. Mingi mingi a ko pointé yote pour l'Oba. Alors, moi, je me mets debout, j'arrache le micro. Il faut na l'Oba. Parce que ce que j'ai à dire, ça peut sauver le pays. Toya kate na ba réunion internationale pour na ko bete la batouma boko. On n'a pas besoin de ça. Toya kate na ba réunion internationale pour na ko koumisa ba pays. On n'a pas besoin de ça. Il y a une réunion pour sauver des vies humaines. Alors, les gens qui ont makambo msusu bakoyi koloba pour la vie, il y a batou. Alors, quand vous les empêchez de parler, eh bien, écoutez, moi j'arrache, hein, j'arrache le micro. Nazali na droit et constater l'ango et je le fais. Alors, je disais que moi qui a azali encouragé que azali mutumoko autamboka lokolangai. Je l'ai suivi à l'objet à Outa Bumba. Moi, na Outa qui quitte. Dans Kinshasa, le col à Yepé à Kinshasa. N'a pas courage, na yé, il s'est débrouillé pour que, à Bandakote, Kabilo Konaye, un commerçant libre, et il était intelligent, sage, à Sombi Babien na yé. Et na yé, comme mon na yé, n'a sorti pendant les élections, après ça qui candidature. Mais en réalité, moi, je me suis dit, bon, ce n'est pas une personne, Oyo, en réalité, à Koki Kozala, na place, il y a président de la République. Mokia azali moto oyo tokoki kotiaye par exemple na badelegation oyo lokola bato lokola barwandais bazoya na mboka na biso kosolola na bakongolais il faut kotia bato lokola bamokia na kati ya delegation congolaise. Parce que moi je sais que Mokia akoki kokende gauche droite te. Mokia azali moto oyo analyse aza nango besoin te. Alors, Mokia aza na besoin ya question na ye, aza na besoin ya réponse ya oui ou non. Donc, Mokia, c'est une personne oyo lelo akoki kotuna ba Rwande bokobima na Congo bien bokobima te. Il faut azela yoka oui tokobima ou non tokobima te. Et la suite, vous le savez, boyebi Mokia. Suite yangwana. Tolingi batwa ndenge wana bazala na bisika ba délégation pona mboka na biso. Alors, mais na landi ye na vidéo alobi il a beaucoup d'argent, c'est un millionnaire. Félicitations, il semblerait que ba million na ye a ibité. Félicitations. Excusez-moi. Je vois comme si mes images, il y a quelque chose qui ezobi mamala mouté. Hein? Excusez-moi. Hein? Je pense qu'il faut changer. Je pense que comme ça va. Voilà, il y a quelque chose. Les assingandé à pêcher. Voilà, donc je disais que Alobi, Azalaba, million et belé. Félicitations, Nalobaki, Nautokoloba. Il semblerait qu'il n'a pas volé cet argent. Félicitations, Tolingi Batuya Bongo, na courage naye. Il a épargné et il a investi. Mais moi, je pense que Moutou Oyo Azali na Mbongo et belé de millions locaux la Lobiango. Azali Moutou Oyo akoyi kozala lèche piété. Moutou Oyo Alembo la kabasapatu ya batu. Nakoyi koloba na langage ya Félix. Moto oyo akitiselaka kabila pantalon. Moto soki azali na mbongo ebele, oza na besoin te, musala olingi kosala, oza na besoin te baya okorompre. Parce que le politicien congolais, objectif na bango ezali en réalité, musala te basayela ba congolais, objectif na bango ezali bayiba. Bazwa pouvoir, bazwa poste, bayiba. Tozomona yango lelo avec Félix. Alors, batulokola mokia soki a lobi kaza na ba million, il est millionnaire, c'est très bien. Alors, batu ya ndenge wana bakoki koya ko faire avaler yote des histoires et ou accepter yango. Batu oyo bandimaka ba faire avaler bango des histoires. Alembo la sapatu ya mutu. Akitisela batu pantalon. Ezali mutu mobola o azali na mbongo te. Tika na sala boye, po bafuta nga boye, po na vivre. Mais moi qui a dit azali millionnaire et millionnaire en Europe, en Amérique, en Asie, millionnaire en Afrique, félicitations, c'est très bien. Mais ça c'est quel type de millionnaire? Oyo, le pauvre vient qu'au faire avaler des histoires et y est pas azali qu'au copier le cola moine copiste, le cola perroquet, azali qu'au réciter yango sans qu'au réfléchir. Un d'abord son âge. Deux, d'abord, statut naïe, il semblerait à l'ingago comme président. Trois, position naïe sociale, azali millionnaire. Moi, j'ai suivi notre jeune frère là qui est en Europe, Fabien Koswanika. Kopé sa point de vue naïe par rapport à la situation ya Mokia. Et d'ailleurs, nous tous, on a intervenu. Moi, j'ai intervenu concernant Mokia Natango Bakanga kiye. J'étais contre le régime Kabila. Mokia, c'est quelqu'un qui a débrayé sa vie. C'est quelqu'un qui est courageux. C'est quelqu'un qui n'a pas investi na masanga, na kobina, bayembakaye pamba pamba, na kolata. Non, Mokia a investi na mboka na biso. Mokia ke ko investir na Europe te, na zite na ba pays musute, na Congo. Le pe o azali nango a investir na Congo. Alors, j'avais condamné le régime à Kabila, ba botola ye ba bien na ye. Or, c'est bien là, Mokia a yibi yango te, Mokia a sombi yango na mutoki na ye. On a intervenu ce qui Mokia kei na site na Facebook na biso a komona ba commentaire wana na tango ba botola ki e ba bien et voir aussi na tango ba bundaki na plateau. Moi j'ai suivi ça J'avais condamné parce que en réalité, on ne devrait pas coffrer Mokia, on devrait coffrer tout le monde. Parce que émission Oyobacha qui Mokia pour Abunda, moi j'avais compris que Ezra qui piège contre Mokia. Alors, et connaissant que Mokia Zali Mutumoko sans chaud, a quoi qu'on supportait ma bêtise Yandengwanate, ce qui a lancé même un bata, eh bien, Tokangaye. On a condamné ça. Les gens comme des mots qui a tous a besoin na bango na mboka na biso. Mais comment expliquer? Moi, j'ai suivi Fabio Kuswanika. Fabio Kuswanika a fingi mokiate, a critiqué mokiate, mais a lobby li solo ndenge a yoki. Parce que na tango tozo bimaboye, na koyi kozala na ba source nangaye. Et ceux qui n'ont pas confiance dans la source, ceux qui ont été mis en Kambou, n'ont pas expliqué tout, voilà, n'ont pas la source. Et d'ailleurs, Fabien Kouswanika a souligné les Kambou dans le lobby, ceux qui ont la vérité, ou bien ont le kouta, n'ont pas la vérité. C'est pour dire que Fabien Kouswanika a confirmé, il a dit que l'information n'a pas la vérité, n'a pas la vérité ceux qui ont le kouta, ou bien ont la solo. À prendre ou à laisser. Et voilà, Batouya Félix, Bayebi, très bien que Mokia Zali Moutouya Sancho, ils veulent utiliser Mokia, statut naïe, origine naïe, pour s'opposer, ba opposer naba tribu Moussousou. Bayebi, c'est que Fabio Kouswadika a fingi yo. Moutou o Azali mature. Moutou Oazali sage, Moutou na statue na ye, qui voulait devenir président de la République, un millionnaire, au quoi agir mbalamoko boyete, il faut senga bango, bo tche langay vidéo na place à fingingay na yoka. Moi j'ai suivi quelqu'un, beaucoup de personnes m'ont contacté, que non, il y a un fou libre na Canada qui a fingio. Je n'ai pas réagi. Na sengi batona botindelanga vidéo et sika fingingai. Batindelanga vidéo. D'office na tango na moni mutu yango. Na moni elongi ya mutu yango. Mais c'est un fou. Ce sont des gens. Oyo le gouvernement canadien en réalité. Il faut que tchabango na ba centre. Ya ba des traqués mentales. Ba tchabango kuna avanda kuna. Aza mutu bako tika na liberté boyete. Je l'ai vu à Zobenga, ce qui bana, ce qui moisi, mais Moutouyaboye, ce qui boche na bana na moisi. Mais un jour, Boya Okuta a égorgé moisi ou bien a égorgé bana. C'est un fou. C'est un fou. Pour na mboka wana ici, Kazali Kolobela. Les informations dans ma vidéo, Yamisala Naye, Batindelingaye. Il travaillait dans la cuisine, c'est un cuisinier. Na social. Ba vidéo na ye, parce que Azali moins important, ba vidéo na ye, ba tindelingaye, na msala na ye, d'ailleurs, ba longolier, parce que Moutou est Zamalamouté. Il a des problèmes na Moutou, le social et si Kabandaï Kolamba na Canada, il semblerait na Ottawa, ba longolier qui na msala, mental et Zabienté. Voilà, c'est fou qui veut se comparer au professeur Yombi. Ah, mais non! Mais non! Namboka Vandi. Je ne sais pas, ça l'est tant combien na Canada. Na Canada, Nazali Papa Lupango. Na Canada, Nazali Papa Lupango. Na Kei, na crédité. Na crédité, bo défis ngai, parce que il faut que la citoyen pour ba défis sa yo mbongo ndengo na po son bandako. Non, na kei cash. Na kei cash. Voilà donc, c'est fou, c'est comparé à moi. Bon, Batu Baza et Bélé, il faut dire, on a condamné Batu Yandengwana te, parce que moi aussi, je suis en train de critiquer. Mais le problème est que nous critiquons comportement na bango, façon na bango ko soutenir Félix. Je pense que ce qui bazali ko s'opposer na biso, il faut bayer na ba contre-argument que ce que vous dites ezali faux, voilà la réalité ndenge ezali. Biso pe trouya na pièce et comme makambo ya pièce contre pièce. Mais au lieu ko ya na contre-pièce, bango bazoya na ba injir bango bazoya no prof wana kuna très impoli mais très impoli Etienne Tshisekedi était très impoli Etienne Tshisekedi si respectait qui azali ko respecter Mobutu Mobutu était plus âgé que lui azali ko respecter ye batu oyo bazalaki na IDPS bele bazalaki na IDPS bazalaki mikolo ya Etienne Tshisekedi est-ce qu'azali ko respecter bango ti ya kufi Etienne Tshisekedi ti ko respecter mutu te Mwana na ye moko ke bozo benga president. Mboka nini boyoka president zo benga peple na ye ba nyangala kata. Eza la peple bazali bo poza na ye. Bosi boyoka mboka nini president abenga peple na ye ba nyangala kata. Boyebi signification nyangala kata. Alors, so ki ba replike epayi na ye. Alors, na maboma. Maboma oyo peut-être que chance na sens humanitaire ya mboka lokola Canada parce que mboka lokola Canada c'est un pays humanitaire c'est un pays oyo ezali ko bomba na maboma ebele bazo bomba parce que bayebi très bien que de fou comme ça na Congo akolongola bilamba na barabara Alors, bo ya na ye lokola na Canada, vanda, comme ça, quand même, alia katama moke, il se débrille un peu, et voilà. Alors, mokia, ba ye ko faire gobeye des histoires. Ce qui me dérange, Ezali, que na campagne ya mokia, je l'ai vu un jour na Kinshasa, batu ba seka ki mingi, mais biso to seka ki ete. Moi, j'avais dit, na bato vanda ki na bango ertozo tala mokia na balabala zo tambola presque population eza mingi te mais j'avais dit c'est un courageux j'aime déjà comme ça il faut essayer ko banga te meka mais to mona ki na kan luka na Kinshasa to mona ki na kan luka et pourtant na Kinshasa bato bayebi ebele kan luka ezali kan ya bayaka Je pense que Mokia Yebi Bayakati, il semblerait qu'il a demandé pardon, mais pardon Ezali Kobo Sanate. Pardon Ezali Kobo Sanate. Pardon, pardon Ezali Kobo Sanate. Pardon Ezali Eloko Moko Osengi Yango, mais na Epai Nabiso Tolobaka. Mutualiboma soki ya fingio. Mutualiboma soki ya fingio seka kanaki akana yo bandakala. Non, pardon, mutu soki ya langwe a fingio na se ya kwiti ya masanga seke akana yo bandakala. Donc, seke moki a di e wuti na mutu na ye ya kofinga bayaka. Donc, na mutu na ye zalaka déjà, il fallait maintenant un alibi pour que e déclenche le kambo oye za na mutu na ye. Tika na yebi sa ye boye, peut-être batu na ye bako pesa ye vidéo oyo ba yebi sa ye ke bayaka bazali batu moko respectueux. Bayaka ba respectaka batu. Bayaka baza batu moko rare omona bayaka bayiba. Bayaka soki amoni ke aluki musala azuite, misale ezali ebele. Moyaka akende ko defa mwa mbongo muke, asombi boudin, abandi ko teka boudin na mapa, na pokwa moyaka azali ko sombe la basi mbana na ye, na mwasi na ye, matembele, na fufu, bale, balali. Na soka sanza, afuti ndaku. Muyaka soki amoni mwaye ezate akende koluka bakolo pusu oyo badepisaka bapusu akozwa pusu akopusa akosala mbongo na pokwa alesi famii na ye muyaka akenda kobotola bato mapangu te muyaka azalaka ndoki te muyaka azalaka jalu te Le oyo lupango oyo yo mokia ozali kolobela. Nani abotolo yango? Muyaka? Ngoika sanji azali muyaka? Mokia ayebi très bien. Na mapangu na ye o azana ngo. Ezali na ba ekolo na ba tribi na mboka na biso. Soki ba ye ba lokater na ndako na yo mokia. Ezali na ba tribi mususu ozali a l'aise. Ozoze la mbongo na yo ya loyer esili. Mais ezali na ba tribi soki o tie bango na lopango na yo. Chaque semaine il faut le kakuna otala soki lopango wana ezali intact. Na kotia une épreuve. Zwa lopango moko. Tikela mutu mususu lokola ngoika sanjite. Luka un frère de ngoika sanji. Chaye lokater na kati lopango wana yo voyager kende même en Europe na pays nyon so sala inane ya kozonga. Soki okokuta lopango wana na kombo na yo. Mokia ovandi tan e bele na Kinshasa oyebi de qui je parle. Oyebi batu moko bazali na mboka na biso okoki jamais kotikela bango lopango ozala a l'aise. Oya kokuta soit bakati lopango katikati bateka balimwe soit ba botolio avandi pe na kati lopango parce que ngoika sanji oyo makambo lopango oyo zo fingela bayaka ngoika sanji azali moyaka te. Oyebi histoire. Olobi bayaka batu pamba bayaka bla bla bla bla. Talanga imalamu. Bope saye video na ngai. Leka na Facebook. Ou bien na Kinshasa esiko vandi. Olobi ovanda kana Gombe. Zwa voiture na yo. Kende na ambassade. Oyo babengi ambassade ya Corée du Sud. Kota na kati, koreye nyo soko mwona na kati. Tuna ye na ye kotuna ransenima ya muyaka moko kombo na ye yombi. Reaksyon kozwa kuna, ya kozonga sala video. Bayaka tozali ba mativite. Bayaka bazali ba mativite. Bayaka bazali ba vantarte. Moi, ni tete le problème ya pays. Ni tete batu oyo zolo bake bazali ba violente. Bazali ba civilisé. Quel lukuta, mokia? Banani bazali ba civilisé. Ovani na Kinshasa bi ovandi wapi. Osi o voyage ba province ya Congo, ou bi o voyage na nute. Banani bazali civilisé. Banani bazali violente. Olobi bangala bozalaki na pouvoir. Omonaki bangala ba ya ko attaquer bino, bangala ba attaquer batu. Bangala ba benga batu banyangala kata. Mukoloni ni mubutu abenga ba tribi mususu banyangala kata. Kabila mukoloni na bengi ba tribi mususu batu mususu banyangala kata. Mais ozali un menteur, monsieur. Batu oyozoro babazali violente, ce sont le plus violent ya Congo. Ce sont le menteur ya Congo. Oyebi yango na motema na yo na conscience na yo. Bayaka bazala ka vantarte, bazala ba mativité. Alors, comme vous avez demandé pardon, je pense que Fabien Koswanika Azali Mouyaka, c'est un pacifiste, il a accepté pardon na yo. Et mais ko limbisa likambo ezali ko bosa na likambo te. Ko limbisa likambo ezali ko bosa na likambo te. Bayaka tozali ebele na Congo oyo bakoki bazali ko sala honneur ya mboka na biso na libanda na diaspora bayaka tozali ebele oyo azali ko lobela yo muyaka 100% grand muyaka. Ti banda na bandi na komi lelo kende na ambasada Corée du Sud bako yebiso makambo koyoka okoyoka ke mutu moko te non atie sima kongole moko atie sima atie sima te effort ya muyaka. Vous comprenez? Donc cette histoire là monsieur Mokia tolingaka yo mingi moi je t'aime beaucoup na lingaka yo na ba courage na yo esuka wana balingi kotia yo na erreur fatale. C'est-à-dire que le genre de Félix bazoluka esika basimba omoni yo zali mwana maite mwana ekanga yo zali mwana ekanga moto soki akwei na mai eloko nyonso ezala singa eza kokita na mai akoluka simba yango ayebi ke singa wana ekosove ete me akosimba yango kaka. Donc ce que bato ya Félix oyo ozoloba bazali viola te bazoluka bazoluka moyen basomba bato oyo bazali na esprit faible bazwa bango batia bango na bozoba eyo mpe okoti na bozoba wana heureusement félicitation responsable azalaka bongo responsable azalaka soki asali erreur automatiquement na ntango asali introspection amoni ke wana ezalaki erreur ayaka mbala moko kosamande vous vous êtes amandé félicitation merci mais kozongela yango lisusu te parce que na moment oyo bato oyo ozoloba bazali violate bato ya Félix na Félix ye moko bato nyonso à part le Kasai tout le monde baza bayaka parce que yo ozobenga bayaka bato bandeko ya Fabi e biso mais na conception ya bato bazwa komelisa yo biloko po oloba po na bango bayaka ezaka ka bato ya bayaka ya bandundu te bayaka c'est tout le monde à part le Kasaien oyo nyonso batikali bazali bayaka. Merci pour le courage na yo, ya ko réfléchir rapidement et ya ko samande et je pense que prochainement ceux qui bayeli yo sous na ba bêtise ya ndengo wana il faut ko réagir na ba courage oyo zalaka nango. Vous avez demandé pardon mais il fallait quand même maintenant retourner contre bato baye ko kotisa yo na bozoba. Il faut ko retourner contre bango. Merci beaucoup. Je pense que bayaka nyonso oyo bazali kolanda biso bakolimbisa mokia mokia zali moko na biso babola. Même à l'époque de Mobutu, mokia zalaki na ba faveur te mokia biloko azui ezali biloko na ye. Mokia azui yango te parce que Mobutu était moto équateur ba pesi faveur azo biloko na jamais. Il s'est débrouillé ye moko na ba café na ye, je connais son histoire, na ba café na ye. Il a investi et voilà ba courage oyo to ko ko pesa confiance ya ko benchmark ba lo ba en anglais c'est-à-dire que ko pesa ba leçon na ba na na biso bazo bota masikoyo comment est-ce ko ki ko se ko débrouiller yo moko pour que o gagner vie na yo même na Congo ici katoza bozali donc bana ba mama ba suku bosu ba yaka bosu Muyukile nkenda mokia. Mokia kena muyaka. Bonsu, betu bosu. Alors, batu baba ba Félix ba muhuni. Ba muhuni ba mukotisi mubuzoba. E chance ke buzoba ba mukotisi katwaka na bayaka, katwaka na basuku, katwaka na bambala, katwaka na bahungani, katwaka na bakwesu, katwaka na bahungani. La nuit porte conseil. Mokia wisi, utulombi pardon. Alors, bana bayaka boso, bana bamama, bakari enganji contre Mokia, Muyukile nkenda, Mokia c'est notre frère. Mokia c'est une victime comme toute autre victime. Voilà, excusez-moi, c'était juste un mot pour mes frères Yaka. Et voilà. Tokota siko na babiloko msusu, ya ezali koleka na mboka na biso. L'ambassadeur ya Rwanda na Congo. Mes chers amis, vous savez, Rwanda, bazali na cercle na bango yaba crime. Kagame azali na cercle na yaba crime. Cercle yaba crime wana, batu wana a dispatchaka bango na bamboka, pona kosala ba crime wana. Monsieur Vincent Karega, boyebi avant akoma ambassadeur na Congo, azalaki ambassadeur na Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a une mission moko. ezalaki ya koeliminer ba opposants politiques ya Rwanda, ba opposants ya Kagame. Vous savez, ba agent ya intelligence, ya renseignement ya Rwanda, ba généraux ebele, ba Kimaki, ba monaike Kagame, idéologie bazalaki nango a dévié à côté na makambo mususu. Bakimaki bakomaki ba réfugié parce que babandeli koluka bango baboma bango. Au Rwanda, s'opposer à Kagame signifie vous allez mourir. Ce qu'on lingi kokufa. Koluka singate ou se pendre. Juste critique Kagame. Le lendemain, tu es mort. Alors, les courageux sont sortis pour sauver leur vie, chercher une protection internationale. Ils sont arrivés en Afrique du Sud. Et Kagame a dépêché ses gars ici, Vincent Karega. Et tous ses opposants détail de Kagame ont été assassinés Boyebi Yango, Nabotel Nabango, ou bien Libanda. Natango Kagame a monique mission na ye et sili na Afrique du Sud. Ba éliminer Batounion sur des poids na Afrique du Sud. Voilà ba dépêché maintenant na Congo. Na Congo, mission ya Karega ou Vincent Karega, c'est juste d'éliminer ceux qui contredisent le Rwanda, ceux qui contredisent Kabila et ceux qui contredisent Félix, parce que Félix, c'est Kabila. C'est la même politique, bazali ba frère. Vous avez remarqué que depuis Karega est arrivé, Azali toujours, il est toujours dans le média congolais. Makambu ya Congo, si les Congolais disent babomi na Est, babomi 12 personnes na Est, Karega sort na média pour na ko démentir babomite. Personne n'a parlé que qu'on a tué au Rwanda. Nous, on parle de mort au Yobazali Koboma na Congo. Ezala mutu akufi na accident ya voiture. Ce qui ba Congolais ba lobi yango, Karega saute na ba tweet, saute na ba média. Pour n'a qu'au démentir, moutou a koufite. Nathan Gwaye, il a rencontré Félix à maintes reprises. Pour n'a qu'au yébisa Félix, d'abord, mission Yaliboso, au qu'au aider les Rwanda, c'est de nier les massacres na Congo, yaba Rwanda na Congo. Bande koto zali ko répéter et loko yo, ezala Satan azali ko s'étonner. Les morts congolais, les massacrés, na Congo, plus de 12 millions batu babomi bango ba Rwandete, batu babomi bango ba Ugandete, ba Burundete. Et Félix aussi gobe ça. Et azali koyebisa ba Congolais, ba mort na Congo, ba Rwandais batu babomi bango ti. Mais Félix azo yebisa biso te ba Rwandete, batu babomi bango, nani abomi bango? Nani azali koboma na Congo? Parce que quand vous dites, qui sont les Rwandais au Congo? Au Rwanda, on a trois ethnies. On a les Hutus, on a les Twa, on a les Tutsis. Batu bazali ko bomana Congo, ceux qui tuent au Congo, ce sont des Tutsis, ce sont des Hutus. Tout ça, ce sont des Rwandais. Nous, on ne sépare pas Hutus, Tutsis, on ne sépare pas. Ils sont des Rwandais. J'ai discuté avec un Rwandais à Lobilinga, à l'Andaganga, ba vidéo nangai na YouTube depuis Rwanda. C'est un Hutu qui me demande, bino ba Congolais, pourquoi bozo sangisa ba Rwandais ni oso Hutu na Tutsi. Moi, je lui ai dit, écoutez, ba Tutsi bazali koboma, ba Hutu bazali koboma. Mais bino ba Hutu, bolobi bo kimaki Rwanda pour un génocide. Congo a fungoli bino ba porte, Congo a ezali pays moko hospitalier. Tofungula kan porte na mutu nyonso. Vous venez, vous prenez tout ce que vous voulez. Voilà ba Jamal qui se retrouve avec 50 millions de dollars. Kaka boyalala la moki, 50 millions de dollars. Oyo mwana mboka, mwana Congo. Po azwa 1 million ya pamba na Congo, ezali passe. Ezala obandi ko défiler na ndako ya na bureau ya Félix, ozali na marché à Malamo. Et loko ezuzanga yo kaka autorisation ya pays ba autoriser yo po osala marché wana koyiko zata 1 million ba kopesa ya ngote Mais quand un étranger vient à bureau, il y a Félix, il y a un Rwandais devant la porte, il y a un Libanais devant la porte. Félix ouvre, Olingini, Nazana marché, boye, Congo, il fait pesanga autant. Ok, combien? 57 millions à signer, Kende Kozwa. J'ai demandé à ces Hutus. Bino Bolobi, ba Congolais, ba séparé, bino na ba Tutsi. Mais les intérêts qui sont au Congo, Bolobi, bino Bozali, ba opposant ya Kagame. Batu Bozali Koboma, Bozali Koboma, ba Rwandais, Bozali Koboma, ba Congolais. Mon colonie ne boko traverser frontière na Rwanda, mboka na bino. Bokende Koboma, eza la fourmi ya Pamba. Une fourmi rwandaise. Bobo Mayango. Toyokate. Tous ces morts, Oyo Bazali ko Boma na Mboka na Congo, Bazali ba Congolais. Poto ndima bino ke Bozali bo posa ya Kagame. Poto separe bino na Batutsi Oyo Bazali ko Boma. Bazali ko Boma ba Congolais. Toyoka bino, ezali Mboka na bino. Bokoti na Rwanda. Parce que vous opérez juste na frontière entre le Rwanda et le Congo. Mais au traverser na Rwanda, vous avez besoin de visa, vous avez des armes. Rentrez au Rwanda, votre pays. Opposez-vous là-bas. Na ba arme na bino bozango. Toyokate même Rwandais moko azui gifle. Yaba interamwe. Toyokate. Batu tozoyo ka bozali ko viole, ce sont des Congolaises. Batu bozali ko boma ko massacre, ce sont des Congolais. Et comment voulez-vous qu'on vous sépare de tout ça? Vous êtes des Rwandais et votre pays, bazali ko tcha la merde na mboka na biso. Et bomoni ambassadeur oya Rwanda, azali ko nié ba ba massacre ya ba ba victime ya massacre ya Congo na mboka na biso 1100 personnes oyo ba Rwandais ba kota ba boma toute la communauté internationale ba yebi yango sauf les Rwanda sauf l'ambassadeur ya Rwanda na Congo. Et d'ailleurs la question que je pose Bampangi à Vincent, ambassadeur, est-ce que nous, on a besoin de fonder la relation diplomatique avec le Rwanda? Parce que nous avons des problèmes. Il y a un problème sérieux entre nous et les Rwandais. Voilà Félix Sempresse, il y a fonder l'ambassade à Rwanda. Et cet ambassadeur Azali Naba Media par-ci par-là, aucune convocation n'a été à faire étrangère pour n'a pas justifier. Un, d'abord, le massacre Oyo. Tshisekedi wa Mulumba a condamné ce massacre de 1100 personnes. Oyo, ba Rwandais, Baboma na Congo. Nazolo ba d'abord, groupe Moko Wana. L'UDPS a condamné. Félix Idem. Voilà l'objet là qui anniversaire ya ba massacre Oyo. L'ambassadeur sort pour dire qu'ils allaient l'oukouta, batu bakoufate. L'objet là qui lundi, lelo mardi, totikali ko yokate que cet ambassadeur a été convoqué dans le ministère des Affaires étrangères pour se justifier. To yoki communiqué mon côté. Et là ba o bazali ko bega conseiller Il y a en matière de relations internationales, conseiller en matière de droits humains, conseiller Tomoni Moutou Mokote pour contredire cet ambassadeur et demander au gouvernement congolais d'interpeller cet ambassadeur et se justifier. Nani Congolais ou Akoyiko Kenena Rwanda, Akende Konye génocide rwandais, Batika Yeboui. Si c'est un diplomate au Rwanda, qui nie ce génocide rwandais, la minute qui suit, Azali devant Kagame. On refoule diplomatouana. Voilà na Congo. Je vous ai dit que na période Ozali, Azali période Yakope Sabatolo, la ba Rwandais, te plateau espace pour ba s'expliquer. Le Rwanda ne peut pas donner l'espace aux Congolais, au Rwanda. Même les Rwandais de la diaspora, ils peuvent ça espace à un Congolais à s'expliquer. Rwandais, que ça l'ango jamais. Mais voilà des idiots congolais qui donnent des espaces à les Rwandais pour que bah, s'expliquer, bah, nier ces massacres de plus de 12 millions d'habitants y a en Burkina Faso. Non, moi je pense qu'il faut initier une pétition pour que cet ambassadeur soit expulsé. Toyebite Rebeke Félix Aosalangote, mais il faut une pression. Mawamingi. Et Bozomona, l'UDPS officiellement, délégation ya UDPS, Bakei Kokutanana, ambassadeur Oyo, na Kinshasa, pour la coopération peuple na peuple. Le cadre IDPS, que chaque jour qui passe, il y a des dizaines de massacres à Batounabiso. On demande à nos frères et à Grand Kivu. Ces soi-disant Banyamulenge disent Bazali Kolo, Bazali Bakongolais, Bazali Banyamulenge. Banyamulenge, Kuna Toyebi, Tozali na plateau, je pense. Il y a Bangomba ou c'est quoi, il y a Moulenge. Mais Moulenge, wana soki na tali kat na biso, Moulenge ezali na Uvira. Mais se banya Moulenge revendique Minembwe. Les grands Kivu, na ebite, est-ce que Dieu a déplacé Minembwe et komi na Uvira ou bien comment? Expliquez-nous. Bangomba zali banya Moulenge, bavanda kakuna na Moulenge, kuna banya Moulenge. Na Uvira. Alors, bavanda banda baya bavanda kuna na Moulenge kuna na Uvira, mais il revendique Minembwe. C'est comme moi, nazali mutu ya Bandundu, je suis de Bindungi. Nazwa batunangai le bayaka de Bindungi, le basuku de Bindungi, bakende ko revendique kabeyaka mwanga. Daebi ki na kabeka mwanga soki na nazali congolais na koiko vivre, mais na Bindungi je suis chef coutumier. Nazali fils d'un chef coutumier. Cheferi na ngaye ezali na Bindungi. Na koiko lobateke non, na tiki Bindungi, na zuba habita Bindungi nyoso, na kena bango na kabeka mwanga, na ke ko revendiquer cheferi ya kabeka mwanga ke non, oyo ezali mabele ya bakoko na ngaye. Non, au niveau national ya yi, je peux habiter kabeka mwanga. Mais je ne peux pas habiter Kabeyaka Mwanga lokola chef coutumier à Kabeyaka Mwanga. Non. Ba autorité wana traditionnelle les alli bien établie. Alors, bango bazali na Uvira, baya, ba pesa bango place wana, mais il revendique Minembwe, les grands qui vous expliquez-nous. Toi, il y a problème à Vital Kamerhe. Il semblerait qu'il est malade, soit disant, soit dans la COVID, soit boye boye, à quoi qui fois, à l'ingate, à katapema. Mais il y a combien de Congolais au basali koko fabazo katapema, moutoumou kazo sa société? Kamerhe, c'est quoi, ce qui a koufi? Est-ce que Kamerhe a zali le kola plus de 12 millions au babomi? Kamerhe a volé, Kamerhe a détourné. Ce qui a recouffé la prison. Mais ce qui est étrange, Kamerhe malade, balobi il faut que na centre pour traiter. Bamemie na centre ni bamemie na centre Nganda. Centre médical Nganda. Ou est-ce une coïncidence ou bien est-ce nini? Fayulu rentre au pays, le lendemain, ba funguli forum ya réforme électorale na centre Nganda. Forum wana il fallait tout le monde FCC cash Lamuka va coûter dans la centre Nganda parce que boyebi ba soi-disant ba politicien na biso même alobi na maloba na okendete mena kintwe ki na ba chambre azali. Mais qu'est-ce qui fait que coïncidence oyo ba memi Kamerhe na centre Nganda Lamuka na ba tumususu bazali na forum ya réforme électorale na centre Nganda. Qu'est-ce qui se passe? Parce que la moukana batumso bakoye kokuta na ba hôtel les ebele. soyez quand même dans le centre Nganda, vous pouvez dire, bon voilà, basta la réunion à l'hôtel à Fayoulou, basta la réunion à l'hôtel, monsieur sous l'hôtel, les aïe, belé na Congo. Mais, forum, on est que ça, la majeure place, baké kotia, Kamere. Ce n'était pas une façon de faire participer Kamere, na forum, oyo. Je ne sais pas. Pour nangai, n'analyser, est-ce une coïncidence ou bien quelque chose qui a été déjà planifié? Ma politicien congolais. Pour na docteur Mukwege, na zo si ça na point wana. Docteur Mukwege, tango to bandi ko loba, il faut ba protéger, to moni ba tu mingi, spécialement ba Rwandais, spécialement ba tu IDPS, ba Milouvor. Bozokosa, fake news, Mukwege azana dangete, Mukwege boyete, Mukwege boyete, mais tout le monde en parle maintenant. Tout le monde na lobi ba Congolais kakate, Occident, bazo lobela. Ce qui bolanda d'information, bozo mona d'information, tout le monde demande que le docteur Mukwege soit protégé par l'ONU. Félix a lobi ba protégé ye, na Conseil des ministres, na lelo. Na lelo, ezala jimel ya pamba. Ezala ba policier o ba vandi pembeni ya hôpital ya Panzi. Mokote aye pembeni wana pour nous protéger docteur Mukwege. Le docteur Mukwege est dans sa chambre, il ne sort plus. Ben formation tozwi na ba conseiller na ye. Le docteur Mukwege azali na katia chambre na ye. Akimi COVID te, azali ko banga ko bima. Ba menace leki e belé. Il est dans sa chambre. Il ne sort plus. Protection, il y a Félix à l'Oba qui t'a protégé. Ça prend combien de temps? N'a pas dit qu'on a. Ma policier basate, ma militaire basate. Wapi sécurité, il y a Félix. Je vous dis, biso ba Congolais, surtout ça, les pressions, t'es. Notre frère sera assassiné. La présence d'ambassadeur ya Rwanda oyo Vincent Karega ezali blague te. Ce gars-là, c'est un planificateur criminel. Karega opère toujours avec James Kabarebe. James conçoit les plans avec Kabila et c'est Karega oyo achaka plan wana na pratique. Quand on dit Félix, c'est un idiot. Mais Félix ne va pas protéger Mukwege. Les rapports mapping est à l'appliquer et constituer tribunal international pour la Congo. Or, ce qui est tribunal international, n'a habité ba Congolais combien ba tanga rapport wana. Rapport mapping est à 500 pages. 500 pages bande konanga pour na kotanga ngo. Kotanga ngo na 2 jours pour 600 ngo quand même, hein. Quand même, lecture, aux autres tangas, t'es bloqué pour qu'ils ne reçoivent l'examen. Non, lecture, le quoi, la lettre. Allez-y, beau tanga, ils allient, na net. 500 pages, na 2 jours, au quoi, tanga, non. Ce qui beau tangi, rapport, wana. Ils allient, qu'au senga, que tribunal, et salema. Parce que, babi, et leki. Et le Rwanda balingi teke tribunal wana pour le Congo et salama. Parce que ce qui ba sali yango, vous allez voir Kagame, ba James Kabarebe, ba Karega Oyo, Bakuzala, détenu na lae. Donc, bango, tribunal wana ou la mort. Alors, Mukwege Mutazali ko senga, que tribunal Oye Salema, rapport mapping Oyo, va faire créer ce tribunal. Barwande Balingi Yangote, Kabila Lingi Yangote, Félix a koyiko Linga Yangote, parce que ce qui Félix a Lingi Yango, Batu Oyo Bazali ko soutenir yé le Rwanda et Kabila Bakokweya. Voilà pourquoi Bozomona, Nazoib Sabino, Bolanda Malobaya Félix était. Ce que Félix dit, ce n'est pas ce que Félix fait. Félix a dit que les Congolais sont des applaudisseurs. Félix a yébi soit à lobby. Oh, ce qui n'a comme président n'a eu au état-major n'a qui vous. Wouah! Béton, béton, état-major n'a qui vous. Lélo Mboula combien? Banda Félix a comme président. À l'oba qui déke, les mêmes jours n'a comme président, le lendemain, état-major n'a qui vous. Qui lélo? État-major n'a qui vous, Ezali? Il a dit, il va mourir pour la paix. À l'ali, combien de jours n'a qui vous? Pour à se sacrifier, bah bon, maïe pour la paix. Parce que si Félix a koufi lelo, bah ouais, wanyon se bako attaque moutabomi Félix, et voilà, bah Rwande bako kima, kimia ko kota nan boko nabiso. Mais ce qu'on demande à Félix, c'est de mourir. Nous, Félix, on n'a pas besoin d'une personne comme Félix. Nous, c'est la paix qu'on a besoin. Il faut mourir vite. Vous avez promis de mourir pour la paix. Alors que les Congolais ont besoin de cette paix, il faut mourir vite, mon frère. Voilà. Si on perdait Félix, qu'est-ce qu'on va perdre? Les Congos vont perdre. Rien du tout. Rien du tout. Un matamata de moins. Rien du tout. Alors, il faut mourir. C'est la paix qu'on a besoin au Congo. Ngam na lobi yangote, ye moko, na ebi boya ko finga ngai, ye moko mutaloba akukufa pona, pe na mboka na biso. Alors, nana zana besoin à péter tombo la musapi. Oyo a lobi azana besoin à péter à tombo la musapi. Ah, voilà. Comme Fabio Gosonika lobaka dit amen. Biso ni sozana besoin à paix. Muto alobi ki yeso akufi kimi koya. Alors, il faut l'aider de mourir vite. Et vous allez voir que Boyebi Mukoloba pesa ki mokwege prix Nobel. Ba télévision yon sa monde bala kisaki yango. Le monde était suspendu. Ba mona ndenge bazo pesa se Congolais Muyaka, bazo pesa ye prix Nobel. Vous savez na Congo na RTNC ba tchaki nini? Na luki ben formation à cette heure là. RTNC ba tchaki match. RTNC a tché match. Au moment où Bamboka Moussousou, dans la télévision nationale, nous avons tché Moukwege Bazo Pesaye prix Nobel, na Congo RTNC, la télévision nationale, a tché match. J'ai demandé dans la vidéo à Lobby, Moukwege a eu beaucoup de prix dans le monde. Na Congo, na biso, et à la félicitation à Pamba. Azo yango? Voilà, mes chers frères. Et là, si la campagne que vous mené, double campagne. Merci à la bande de Konyos qui s'est sacrifié pour nous relever là sur la protection et adopter Mukwege. Vous allez continuer toujours pour l'acheter. Congolais, ma ben abiso, et là, moko moto. Lelo si salami, moto, moto, moto. Bolali, bolembi. Non, ils allaient pression à chaque jour. Ils ont cinq et côté énergie. Comment kaka, na WhatsApp, na Twitter, nous sommes comment. Et là, comme la campagne que vous allez mené, Moutou nyonso atanga rapport mapping, bozwa rapport wana na ba Facebook, na ba Twitter, nyonso bo poste yango. Rapport mapping. Mes frères, ceux qui otangi rapport wana, ceux qui vraiment ont l'élite, vous allez Lucifer en personne. Ceux qui otangi rapport wana, ezali, batou basali yango, ezali ba Congolete. C'est l'ONI, batou basali yango. Ceux qui otangi, et d'ailleurs, rapport wana, moi, je dirais que Ezali juste un tiers y a vérité. C'est 500 pages, Ezali un tiers y a vérité. Mais ce que tangi yango o l'élite, Miami se bimioté, mon frère, ma sœur, dites-vous, vous êtes l'ambassadeur ou l'ambassadrice de Lucifer sur cette terre des hommes. To mener campagne, to profiter, parce que balobaka opportunité politique et ya kanabilo kwa boye. Batu lokola esprit na bango zongi lisusu na mokwege et to tcha bango devant responsabilité. Pourquoi mokwege alingi kokufa? Alingi kokufa pona rapport oyo bosayela biso. Alors rapport o, pourquoi ekomi likambo ya coffre bo tchankuna ezo pourrir, ezo moisir na ba coffre? Voici les rapports mapping. Ezali na anglais, ezali na français, ezali na chinois, ezali na espagnol. Na rispe, non, na rispe zate. Alors, ce que vous avez dans le pays, c'est anglais. Vous avez photocopié, vous avez fait ça partout. Vous avez dans le pays francophone. Vous avez fait ça partout. Vous avez fait ça. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi vous avez fait ça. Vous avez fait ça, vous avez fait ça. Vous avez fait ça. barwande ba niko chae na croix lokola Jésus. Voilà yangoyo rapport eza mokwege mutasali yango te rapport eza oni mutasali yango oni ezali yo ezali ngai ezali ye ezali biso nyonso to sali rapport pourquoi ne pas l'appliquer. Voilà mes chers amis pona lelo je pense que nakosili sawana tokutani deux jours après peut-être oui et bandeko bazali na Facebook boya pardon na YouTube bo s'abonner nalobaka toujours bo s'abonner po na kokata biloko ya Facebook parce que sécurité eza makasite boyebi ke ba Rwandais comme je vous ai dit la fois passée ba vidéo na biso na Rwanda bazolandango équipe moko ezali ya une vingtaine de personnes musala na bango bato na ba viva na Congo il parle lingala chiluba swahili ba langue na biso nyonso ki Congo il parle alors bato na bazali ko analyser eza lokola Facebook ou bien YouTube il y a une équipe lokola Facebook il y a une équipe na Philippines biloko nyonso sosala na Facebook ba engager ba kebele na Philippines na Cambodia na Thaïlande ba vérifier ka tout ce que nous faisons sur Facebook et le Rwanda aussi azali na équipe na ye tout ce que les opposants congolais disent bango bazali ko analyser ngo bazali ko sala rapport alors comme boyebi que Facebook ezali vraiment sécurisé et abonnez-vous sur YouTube ça ne demande pas beaucoup de choses après to kata Facebook to banda ko discuter kaka na YouTube excusez-moi. Voilà donc ce que j'avais à dire pendant que Mokuse, j'ai parlé il y a Ndeko na biso Gabriel Mokia to cheye na keba keba que ba réaction ya ndengwana épidermique ezonga lisusu te je pense que ce qui Mokia zali vraiment responsable na point mususu bato baye ko cheye na erreur il faut apporter bango plainte. Parce que wana yango ba bengaka coïncité violence tribale et pourtant moto oyo soi-disant à lobela ki e a finga ki e pété même si azali muyaka ezali moto moko Fabiko Swanika ebisa binote ki Fabiko Swanika zalaka le représentant ya bayaka Fabiko Swanika azali une voix ya baya une de voix ya bayaka. Alors, ce qui Fabio Kosoni Kassadi est loco, Mokia Ndenge Naebi, ou contacté, ou retourné, à quoi c'est justifié. Mais avant d'abord, au lieu de la réaction, il faut vérifier. Est-ce que Moutouango est solo à Finga? Parce que, au Yebi, qui est pas à Félix, c'est le mensonge. Azali gouverner na mensonge, à Botama na mensonge, na politique, Azali mensonge. Maye les athées, Azali mongol, bako sakaye ki Azali normal. Mensonge. Pouvoir azui na mensonge. Partout azo kende mensonge. Oyo azo loba yango izo salamate. Mais moki ya ovandi na Congo, oye bibiloko na nyonso. Mais comment est-ce que un groupe peut venir comme ça? Batupe bazo yoka. Ezate ke nobo ye bisanga na kota na biro na ngana loba. Mais tout le monde bazali ko yoka ke moutu azo dikte yo azali. Kamera ba tcheka ka liboso na yo. Donc c'est comme si poupe moko ba utilize yo loko la au parler. L'appareil qui résonne est ici comme ça, yo au parleur au bimisaka makambazo loba et tout le monde azo yoka ndenga bazo dicter yo loba boy loba boy yo pozo yo kozo répéter comme un perroquet. J'ai dit que merci pour naier parce que à la kisi moi sens et à sagesse à lali à monique bakosakiye avec ozonga il a demandé pardon na bayaka et j'ai dit na bayaka nyonso to to limbi sa ye parce que sengi pardon mais ko limbi c'est ça ko bossa na te to chaina keba keba to zota la siko ba réaction na ye alors ce qui a continué ba réaction na ye a yebi ba yaka to za ka mikuse bo yebi ke ba ka mikuse batika bitumba no kite soko zo bunda na muta mukuse bitumba so ye bandaki na 6h tibo koma 20h bitumba ne sila kate c'est ça le yaka yaka avant ka calme yaka atumbo la ka batute yaka apusa kapusu na ye ateka ka fufu na ye ateka ka bude na ye asukulaka bandako ya batu bafuta ye mbongo alesa famille na ye moyaka tumbulaka batu te moyaka abotolaka batu mapangu te lupangu meme oyo ye moko moki aye kolobela moto abotola yango azali moyaka te batu kaka wana zolo bazalaka violent te me batu wana ayebi mosala na bango koyiba mapangu ya batu nani akopesa confiance na batu wana ke lupangu yango kengela yango ngana ke voyage okende pe na voyage olala motema calme sans problème nani nani moki ayebi yango te ezali mensonge azali koloba ke bato na bazali violent te bazali violent bato oyo bazali le plus violent ya bato nyonso na congo ezali bango tobomanaka baverité te donc voilà j'ai parlé ya ambassadeur ya rwanda na congo azali moto il faut l'expulser en réalité na bapays sérieux il faut qu'expulse ye mission na ye ayeli c'est dangereux na congo il faut kobengana ye et je parlais na pona docteur mokwege to continuer pression et to bakisa susu na pression oyo campagne ya rapport mapping tokotia yango na ligne ba oyo bayebi baza nango te bazwa mais okoki kokende na google google okomi entre parenthèses pdf pdf pdf après au commis mapping report DRC hein, report rapport mapping RDC ekobima na PDF file et au télécharger aux anango na téléphone na yo ou bien na computer na yo okoyi ko kabola ko tindi la bato na email sans problème oyo aza na difficulté ya kozwa yango atindi langa message na messenger na kotindi la ye file wana c'est un rapport de 500 pages malembe soko zali rapide na kotanga na 2 jours okoyi ko file ça ngo ou bien ozotanga malembe vous allez comprendre de quoi il s'agit pourquoi moko egali ko kufa voilà j'ai parlé de tout ça grosso modo merci pour na kolanda biso bokabola ma ba vidéo na biso tokutani mbala ya sima ezalaki ya bino le grand muyaka le lion de Musunda le cuisinier de Félix Antoine Chilombo le traître national merci mingi et au revoir souvent ça me fait des soucis hein ce qui na moni bato baza et belé na live na katakabwe na tikabango ba kende bon une partie remise hein tous allez toujours ensemble tous allez toujours peut-être l'obité mais après l'obité qui fatigue za makasete tous allez na biro toujours bye bye and bolala bien na ba place bozali Europe Afrique batuya Amérique batuya Asie kuna bonne journée et merci beaucoup. Au revoir. Bobo sana kokabolate s'il vous plaît. Ezala toujours plaisir bokabolaka ba dire na biso. L'union fait la force tolo batolo ba po ba yoka. Voilà. Donc merci beaucoup. Bye bye. Let's start by here.